Vous écoutez France Culture. Quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée à l'histoire du Portugal au XXe siècle, alors que demain, ce pays célébrera le début de la révolution des œillets en 1974. Lundi, notre invité, Luís Miguel Sintra, grand homme de théâtre et acteur entre autres des films de Manuel de Oliveira, nous a expliqué la place du théâtre dans la préparation de cette révolution des œillets. Mardi, le documentaire d'Elsa Cornevin et Anne Fleury nous a raconté par le menu la mise en place de cette révolution, par les témoignages des acteurs en particulier, ces capitaines d'avril si célèbres au Portugal. Hier, la balade dans la Lisbonne de la répression salazariste nous a expliqué combien la mémoire de cette révolution pacifique était difficile dans le Portugal d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons le plaisir de vous proposer un entretien inédit avec Mário Soares, ancien Premier ministre et président de la République portugaise, réalisé par Elsa Cornevin avec Anne Fleury et Georges Thau à Lisbonne il y a quelques semaines de cela. Un entretien dont vous pouvez retrouver d'ailleurs quelques éléments en vidéo grâce à Georges Thau sur notre site à la page de la Fabrique de l'Histoire, un entretien qui sera commenté ensuite par Yves Léonard, chercheur associé au Centre d'Histoire de Sciences Po. Il prépare une histoire du Portugal au XXe siècle pour les éditions Michel Chandaigne qui sortira à la rentrée de septembre. Et un des auteurs les plus prolifiques du numéro spécial que vous trouvez en kiosque des collections de l'Histoire, le magazine L'Histoire qui s'intitule « Portugal, l'Empire oublié ». Il vient tout juste de sortir en kiosque. Mais n'interrompons pas les habitudes et commençons cette émission du jeudi par un petit tour d'horizon de nouvelles d'histoire puisées sur le net ou dans vos journaux, vous le savez peut-être, mais quand elle est devenue quotidienne en 2004, eh bien cette émission, la Fabrique de l'Histoire, s'était donnée pour but d'explorer les usages politiques et sociaux de l'histoire. Ce matin, nous sommes servis avec les commentaires sur la visite du président de la République à Carmo. Il y était allé rendre hommage à Jaurès, mais également parler de son programme de restauration, de rénovation de l'économie française, un déplacement qui, comme le note le Figaro, un Figaro oubliant sur ce thème certains discours de Nicolas Sarkozy, eh bien, a provoqué la colère d'Alexis Corbière, secrétaire national du parti de gauche. Alexis Corbière y a vu une grossière tentative de récupération historique et a tweeté « Hollande est à Jaurès, ce que Cahuzac est à la vérité », tandis que Jean-Luc Mélenchon, montant d'un cran, s'est demandé si ça n'était pas la version moderne de « J'irai cracher sur vos tombes » et que le porte-parole du Parti communiste français, Olivier d'Artigol, ajoutait « Comment parler de Jaurès quand on fait la politique de Gattaz ?» Et le Figaro de compléter le propos ce matin avec l'éditorial de Guillaume Tabar, son éditorialiste. Tant qu'à puiser dans l'histoire, le chef de l'État avait tout avantage à s'inspirer de la confrontation de la gauche au réel, à se référer à l'expérience de Léon Blum, au réalisme de Pierre Mendès-France, à la longévité de François Mitterrand, bref, à des hommes qui ont laissé une trace dans la mythologie de la gauche tout en se frottant aux contraintes de la France. On peut sourire de voir le Figaro de ce matin rendre ainsi un hommage implicite à Blum, Mendès et Mitterrand, mais il est utile d'aller au bout de l'article de Guillaume Tabar qui ajoute « Jaurès, hélas, est invoqué comme un alibi destiné à couvrir d'un manteau de grandeur un discours qui en manque cruellement. Hollande célèbre Jaurès au moment même où il nomme à Matignon Manuel Valls, l'homme qui a Clémenceau pour modèle, celui-là même, ce Clémenceau, qui face au fastueux mirage brandi par Jaurès, s'enorgueillissait de labourer le sol ingrat. Usage politique de l'histoire encore. L'AFP nous apprenait hier soir, et la nouvelle est reprise ce matin dans nos nouveaux journaux, que le nouveau maire Front National de Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, a décidé de ne pas organiser la cérémonie à l'occasion de la journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage, le 10 mai prochain. Il rompt ainsi avec les commémorations annuelles organisées par la municipalité précédente depuis 2007. Franck Briffaut, le nouveau maire Front National, se justifie en disant que si la loi l'y obligeait, il s'y plierait, mais que cette cérémonie n'est pas obligatoire et qu'il l'aperçoit, je cite, « comme étant un peu à la mode dans le cadre d'une auto-culpabilisation permanente, d'une culpabilisation systématique alors que l'esclavage existe encore ailleurs dans le monde. » Malheureusement, des déclarations qui scandalisent l'association des amis du général Dumas, né esclave à Saint-Domingue, père d'Alexandre Dumas et inhumé à Villers-Cotterêts, qui demande au préfet, je cite cette association, « la continuité de la cérémonie ». usage politique de l'histoire toujours. Vos journaux ne cachent pas leur surprise après la déclaration hier du Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan sur le génocide arménien. Soyons clairs, comme le dit Libération ce matin, le Premier ministre turc n'a pas parlé de génocide, un terme qui, selon Le Monde, est récusé par le gouvernement islamo-conservateur de l'AKP, mais il a présenté mercredi les condoléances de la Turquie aux petits-enfants des Arméniens tués en 1915. C'est la première fois qu'il s'exprime aussi ouvertement sur ce drame, et Le Monde de citer ce texte à un an du centenaire du début des massacres, c'est un devoir humain de comprendre et de partager la volonté des Arméniens de commémorer leurs souffrances pendant cette époque, a dit M. Erdogan. Nous souhaitons que les Arméniens qui ont perdu la vie dans les circonstances du début du XXe siècle reposent en paix, et nous exprimons nos condoléances à leurs petits-enfants. Le centenaire du génocide arménien approche, le centenaire de la Grande Guerre est là, et avec lui se multiplient dans les kiosques les numéros spéciaux ou les enquêtes plus ou moins originales. Notons à ce propos celle du Monde, datée d'aujourd'hui, qui dans son supplément Science et Médecine fait le point sur un sujet régulièrement traité sur notre chaîne par l'émission hebdomadaire d'archéologie, le Salon Noir de Vincent Charpentier, l'archéologie de la Grande Guerre. Laurent Brasier du Monde s'est rendu à Amiens pour interroger les pionniers de ses recherches qui depuis 20 ans se battent pour faire reconnaître la validité de ce type d'archéologie. Aujourd'hui, cette archéologie, précise Le Monde, profite de l'enthousiasme du public, plus facilement séduit par un temps que par des trous de poteau. Pour tous, il est donc une comparaison qui incite à l'optimisme, celle de l'archéologie médiévale, précise Le Monde. Il y a 30 ans, on demandait aux médiévistes pourquoi ils s'embêtaient à fouiller, puisqu'on savait déjà tout sur le Moyen-Âge par les textes, dit par exemple un de ces archéologues, Yves Desfossés, un de ces pionniers de l'archéologie de la Grande Guerre. Ça a été de rudes batailles, mais l'archéologie est toujours un combat, conclut-il, déterminé à le mener jusqu'au bout, dit Le Monde. Bonjour Yves Léonard. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Donc, vous allez commenter dans un instant les propos tenus il y a quelques semaines par Mario Soares sur son itinéraire de vie, pourrait-on dire. Il s'est donc confié à l'équipe de France Culture qui s'était rendue sur place au Portugal. Si je vous demandais, comme vous l'avez fait d'ailleurs dans le numéro spécial de l'histoire, des collections de l'histoire sur le Portugal, de nous faire une petite notice biographique telle qu'on la mettrait dans un dictionnaire sur Mario Soares, qu'est-ce que vous diriez ? Mario Soares, c'est d'abord quelqu'un qui est né dans un milieu très républicain en 1924. Et c'est un homme dont tout le parcours politique est d'hostilité, de combat contre la dictature. Donc c'est dans le combat contre la dictature qu'il a fait ses premières armes. Ça lui a valu un exil, de l'emprisonnement et un exil. Ensuite, Mario Soares, c'est la figure un peu tutélaire de la démocratie portugaise. C'est lui qui a réussi à incarner une transition vers une démocratie à l'européenne et à faire entrer en acte ce qu'il appelait le socialisme du possible. On en reparlera. Enfin, Mario Soares est une grande figure européenne aussi, un Européen à la fois convaincu et lucide. Et il reste aujourd'hui, on pourrait dire, un sage actif qui intervient sur la scène publique portugaise, notamment pour dénoncer la Troïka et la mise sous tutelle du Portugal. On va l'entendre dans un instant, tout de suite même, donc interrogé par Elsa Cornevin avec l'équipe de France Culture composée de Georges Thau à la prise de son et d'Anne Fleury à la réalisation. C'était il y a quelques semaines à Lisbonne. Ce que je peux vous dire depuis le début, c'est que j'ai eu mon père. Et mon père, c'est un vieux républicain qui était partisan dans le temps de la monarchie, de la République, la première République portugaise, a été ministre, il a été lui-même un homme d'action et aussi un grand professeur. Et après qu'est venue la dictature portugaise, il a été contre. Et il a été emprisonné. Et depuis que j'étais petit, j'allais le voir dans les prisons, à lui. Et j'ai eu la possibilité, depuis ma jeunesse, de commencer à comprendre qu'il y avait une dictature au Portugal, que cette dictature était mauvaise, et que mon père était à la prison à cause de cela, et que je dois le visiter quand il était dans la clandestinité. Et bien sûr, j'ai commencé quand j'étais 14 ans à être républicain socialiste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifiait faire de la politique sous la dictature de Salazar ? C'était aller en prison. dans la déportation. J'étais, depuis ma jeunesse, très anti-dictature et anti-Salazar, bien sûr. Il m'a fait payer beaucoup de prix en me faisant 12 fois en prison. Et la PIDE, la police politique, transmettait de la peur vraiment chez les gens? Oui, il y avait une chose qui était la torture du sommeil. On ne laissait pas dormir un type pendant 2 jours ou 3 jours dans un interrogatoire. J'ai eu cela. Il faisait des choses que... Enfin... Mais j'ai toujours résisté bien. Je n'ai pas dit jamais rien. Et je me suis marié dans la prison, vous savez. Ah non, j'ignorais. Oui. Après cela, ma femme a pu commencer à me visiter. Et elle est encore ma femme. Et combien d'années? 65. Pour revenir sur votre engagement politique, vous commencez au début dans l'opposition à militer dans le Parti communiste. Oui, j'ai été du Parti communiste parce qu'il est le seul parti clandestin organisé à cette époque. C'est la vérité, il faut la dire. Il y avait d'autres. Il y avait l'Union nationale, comme elle disait, ce n'était pas un parti. C'était les types qui étaient du régime, bien sûr. Et j'ai été communiste 7 ans, entre 42 et 49. Donc vous aviez entre 18 et 25 ans. Et j'étais licencié en lettres, mais je n'ai pas pu exercer. Être professeur dans l'école, on dit que je n'avais pas possibilité par manque de moralité. Et alors, j'ai fait le droit. Et un jour, M. Marcel Caetan, qui était à cette époque directeur de la faculté, il n'était pas héritier du dictateur comme il a été. Parce qu'il prend la suite après du dictateur exactement, Salazar. Exactement, lui. M. Marcel Caetan, un jour, m'a appelé. Je savais très bien qu'il était un homme d'extrême droite. Il m'a dit comme ça. Vous savez, vous pourriez venir à être professeur dans cette maison. Mais il y a une condition. Vous devez terminer avec cette chose de la politique que vous faites toujours contre le gouvernement. Et moi, je l'ai répondu. Mais qui dit à monsieur que je voulais être professeur de cette maison? Et alors, après le droit, j'ai été avocat. Pendant 16 ans, j'ai défendu énormément de prisonniers politiques. De prison politique, d'un tribunal plenario, qui était un tribunal de politique. Et aussi, j'ai gagné aussi, je dois dire, beaucoup d'argent. Mais un jour, j'ai été déporté. Comme ça, sans jugement, sans rien. Ils m'ont envoyé d'abord à Saint-Tomé. Au large du Gabon? Oui, oui. Ils ne me laissaient parler avec personne. Je n'ai pas pu être avocat, professeur. Je n'avais en principe rien à faire, sauf que je lisais beaucoup de livres. Et là, bien. C'était en quelle année alors que vous étiez à Saint-Tomé? 68. À Lisbonne, la nouvelle de l'attaque qui a terrassé le président du Conseil a provoqué une grande animation à l'hôpital de la Croix-Rouge où il avait été précédemment opéré. Le président Salazar, qui restait premier ministre de 1932 à 1968, avait une formule qui en fait a toujours dicté cette carrière. On peut faire de la politique avec le cœur, mais on ne peut gouverner qu'avec la tête. Une de mes choses habituelles, c'est que je devais couper les cheveux. Et alors, j'allais à une barberie, non? Un coiffeur, où c'est seulement des Noirs qui étaient là, sauf moi. Et un séjour, je vois la télévision a dit, Monsieur le Premier ministre, Salazar, a été malade, il a tombé d'une chaise, il a eu une chose grave, parce qu'il a tombé avec la tête. J'ai entendu cela, j'ai fait un cri spontané. Mais s'il a tombé avec cet âge qu'il a, il va mourir. Salazar va mourir. Même sans terminer la chose, j'étais euphorique. Bien, dans une demi-heure, pas plus, tout le monde savait dans l'île j'ai dit que nous allons mourir. Voilà. C'est Quétanouk qui m'a fait venir. Donc vous rentrez au Portugal. Parce que Quétan était mon substitut. J'avais professeur donc à l'époque de droit. Je l'avais écrit une lettre en disant « Je suis ici sans être jugé. Vous pensez, vous qui m'avez enseigné, que c'est possible qu'une personne soit envoyée pour un endroit, ne peut pas sortir ?» Une terre d'extrême occident qui tourne le dos à l'Europe et regarde au large. Le Portugal, 9 millions d'habitants. Il y a une quinzaine de jours, Oliveira Salazar, le président du Conseil, sombrait dans le coma après avoir régné pendant 40 ans, minute par minute, sur cet empire. Alors vous avez déjà évoqué Saint-Thomé, mais est-ce que vous pouvez nous parler de vos différents exils? En tous les cas, Paris, qui correspond à une période de votre vie de 4 ans. 4 ans. Entre 1970 et 1974. Nous avons fait le voyage sans stopper. Toute l'Espagne, dans une voiture que nous avions, on a sorti. Et quand j'arrive à Blois, on va chercher Le Monde. Et il y avait une petite nouvelle dans Le Monde qui disait comme ça. Un avocat portugais, Mario Soares, a été expulsé de son pays et est en train d'arriver en France. J'ai lu cela. J'ai dit, mais c'est la gloire! Et quand je suis arrivé, ma femme est arrivée avec moi et mes deux enfants. Je ne savais comment je vais vivre. Et deux jours après que j'étais là, un Portugais qui était mon collègue à l'Université de Lisbonne, en lettres, était professeur à Vincennes, imaginez-vous. Mai 68 était encore vivant dans l'esprit. Et il arrive. Est-ce que tu veux être professeur dans l'université de Vincennes? Et j'ai dit, moi? Mais on va faire des cours portugais, tu es le professeur. Bien. Après, j'ai été professeur, imaginez-vous, à Rennes. Et après, j'ai été professeur à la Sorbonne. Et après 4 ans, j'ai appris énormément de choses. J'ai sorti un homme nouveau parce que j'ai fait les connaissances avec tout le monde, hein, surtout les gens de gauche, mais pas seulement les gens de gauche. À cette époque en Europe, tout le monde était au socialiste, au social-démocrate, au social-chrétien. C'est la grande difficulté d'aujourd'hui. Il n'y a plus de socialistes, il n'y a plus de démocrates chrétiens. C'est cela. Il y a seulement des types qui croient aux entreprises, seulement aux entreprises. C'est terrible. Et donc vous allez en Allemagne fonder le Parti Socialiste Portugais. Pourquoi? Pour une raison simple. J'étais très ami de Willy Brandt. J'ai fait une grande amitié avec Willy Brandt, qui était chancelier. Willy Brandt m'a dit un jour une chose extraordinaire. Il m'a dit, j'envoie les Allemands pour que les socialistes puissent entrer dans l'Amérique latine. Tu es la personne que je pense que doit faire cela. Alors, j'ai accepté et j'ai fait voyage partout dans l'Amérique latine. C'est cela que j'ai connu toutes les gens qui après ont été président, etc. Et le jour du 25 avril, j'étais en Allemagne. Donc, j'étais 25 avril 1974. Pour rencontrer Willy Brandt. Nous avions déjà fait le Parti Socialiste, etc., avec l'appui de lui. Et dans le dîner, c'était le ministre des Finances qui était socialiste qui m'a dit, Mario, vous devez comprendre que premier, c'est nécessaire de faire la démocratisation en Espagne avec la mort de Franco, et après vous pouvez faire quelque chose au Portugal. Avant, ce n'est pas possible. J'ai dit non. Nous allons avoir une révolution, bien sûr, parce qu'il y a la guerre coloniale. Je ne l'ai pas convaincu, il ne m'a pas convaincu à moi. Et le lendemain matin, le téléphone, donc c'était responsable socialiste en Allemagne pour l'étranger, qui m'annonce quelque chose passe au Portugal. Et nous avions là Rego, qui était un journaliste. Il m'a dit, j'ai téléphoné avec lui, « Ne venez pas, nous ne savons pas si le coup est un coup de droite ou un coup de gauche. » Et j'ai dit, « Bien, de gauche, au droite, je vais entrer au Portugal. » Je rentre. Je vais tout de suite partir pour France et de France pour Portugal. Et j'ai fait comme ça. Et vous rentrez au Portugal le 27 avril ? Le 27 avril, pourquoi ? Il n'y avait pas d'aéroport. L'aéroport était fermé. Alors, je suis dans le train normal. Et à Saragosse, c'était le dernier parage avant la frontière. Qu'est-ce que je vois ? C'était 2h du matin ou quelque chose comme ça. Toutes les gens dans la station, les jeunes étudiants, avec des œillets rouges. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est, pourquoi ils avaient tous ce genre. Ils disaient « Vive Portugal, vive Portugal, vive Portugal !» Alors, j'ai dit « Mais nous avons gagné !» Continue, ça continue. Je passe la frontière, il y avait une multitude de personnes qui étaient là, en train de vous acclamer, vive la liberté, etc. Portugal. Depuis ce matin, c'est la vraie fête dans les rues de Lisbonne. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue. Tout le monde convergeait vers la gare. On attendait le train de Paris. Mario Soares, le leader socialiste, rentrait après 4 ans d'exil. Mais le pire, c'est que j'ai arrivé très tard, dans l'après-midi, parce que le train était arrêté tout le temps, parce que c'était les premiers exilés. Tito de Moraes, Ramos da Costa, Honeto et moi-même sont 4 grands camarades. Et quand nous arrivons à la gare centrale de Lisbonne, il y avait une multitude énorme. Oui, il y a des images incroyables, il y a des films et puis des photos qui sont restées vraiment célèbres. Exactement. On vous voit arriver et prendre... Et j'ai fait un discours là-bas. Et après, on m'a dit, vous devez sortir. Déjà, il est vous attendre, M. Spinola. Alors, c'est comme ça que j'ai connu Spinola. Vous pouvez rappeler qui est Spinola, justement ? Spinola, c'est le premier président. Un général qui n'a pas fait la révolution. La révolution, c'est des militaires. Et des militaires, lieutenant, capitaine, major. MFA, etc. MFA, Mouvement des Forces Armées, n'est-ce pas ? Mouvement des Forces Armées, exactement. Le grand type qui a fait la révolution, c'est Otelo, le leader. Otelo Saraiva de Carvalho. Saraiva de Carvalho, oui. Mais le type qui a fait la révolution physique, qui a amené les trains, c'est Salgueiro Maia, qui est mort déjà, et qui était vraiment un type extraordinaire. Il a monté où Caetano s'est réfugié. Il disait, je bombarde, si vous nous sortez, je bombarde la garde républicaine. Ils étaient là dans une situation terrible. Alors, Salgueiro Maia a fait venir Spinola pour ne pas bombarder les gens et tuer tous les gens qui étaient là dedans. Et Spinola il a parlé à Caetano, il a dit, mettez dans mon car, qui est un car blindé qu'il avait, et après on l'a envoyé pour première Madeira et après Brésil. À lui, et au président de la République. Ils n'ont pas été jugés, ils sont partis en exil, en exactement. Fait. Exactement. Et véritablement, les militaires ont fait la révolution parce que le monde était contraire. Tout le monde était contraire à le colonialisme. L'ONU, tout le monde était contre eux. C'était le principe de l'autodétermination des peuples, hein, et des droits de l'homme. C'est la bonne phase de l'ONU. Hein. Et moi, j'avais 3 idées. La première chose pour moi de tous, faire la décolonisation. Spinola, il voulait faire une décolonisation, mais il ne voulait pas donner l'indépendance. Moi, je suis venu, la première chose, c'est donner l'indépendance à tous les pays. Tous. Parce que le colonialisme, c'est une chose horrible. Pourquoi j'ai fait cela? Parce que j'étais très lié au chef. Tous les dirigeants indépendantistes de ces pays-là, vous les aviez connus? Les Africains qui se battaient pour leur autodétermination, qui étaient aussi exilés, qui venaient beaucoup à Paris. C'est là que je l'ai connu tous. Alors, la première chose, décoloniser. Deuxième chose, c'était démocratiser. Troisième chose, développer le pays. Nous avons réalisé tout cela, les socialistes, pas seulement nous, tout le monde. Avec le mouvement des forces armées, en lien avec le... Avec le mouvement des forces armées, toujours. Mais c'était difficile parce qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas la décolonisation effective. Ils voulaient la paix, mais la décolonisation, c'était une autre chose. Deuxièmement, parce qu'il y avait la pression des retournés. Les retournés qui sont ces Portugais qui étaient installés dans les colonies portugaises. Exactement. Et qui ont eu peur et qui ont commencé à fuir pour Portugal. Quand j'ai devenu Premier ministre pour la première fois, j'étais agressé par eux. Malgré que nous avons donné aux retournés tout, ce n'est pas un problème de pieds noirs comme en Algérie, oui, la France. Ça n'a pas du tout été comme en France. Parce que nous avons donné tellement de bien à eux que tous sont finalement compris qu'ils ont une sorte formidable et qu'ils sont responsables pour la guerre. L'ensemble de ces retournés représentait presque 1 million de personnes, je crois. Donc c'était, en termes de chiffres, c'était vraiment très très important le flux de personnes qui est revenu vers le Portugal à ce moment-là. Et donc vous avez été amené à gérer... Bien, je ne dois pas dire que j'ai fait cela et cela et cela. Ce n'est pas, ça ne fait pas mon genre. Mais je dois vous dire que les choses sont passées rapidement. Spinola, il a été président, sans élection. Avec la condition d'après avoir des élections pour les législatives, faire une constitution. Il a formé un gouvernement provisoire avant les élections. Et il pensait qu'il devait avoir 3 ministres sans portefeuille. Sans portefeuille. C'était les chefs des 3 grands partis, qui étaient les communistes, les socialistes et après le PSD de Sacarneiro. PPD, autrefois. Exactement. Et Sacarneiro était un homme de gauche, parce qu'il a été député au temps de Caetano, qui est sorti de député parce qu'il a compris que c'était une dictature. Il était d'une famille très conservatrice, mais lui n'était pas. Il était social-démocrate. Sérieusement, ce qui n'est pas le cas d'aujourd'hui. Bien, c'était Cunhal, Sacarneiro et moi-même. Et je n'ai pas accepté. La seule chose que j'accepte dans le moment est être ministre des Affaires étrangères. Alors j'ai resté ministre des Affaires étrangères. Et c'est comme cela que j'ai commencé immédiatement à faire, le jour même, imaginez-vous cela. Moi, je partais dans un avion que m'a envoyé Senghor pour Dakar pour rencontrer Aristides Pereira et faire la paix. Et dans ce jour-là, il y a eu la paix en Guinée-Bissau. Et deuxièmement, on a fait la Cap-Vert et Angola. Et après, au Mozambique. Et après, Saint-Thomé. Dans un an, nous avons fait tout cela. Et tous, eux, ont accepté le portugais comme la langue. Comme langue officielle. Comme langue officielle. Tous, sans exception. Alors, après avoir été ministre des Affaires étrangères, vous êtes amené aussi à être Premier ministre. Et là, vous faites vraiment face à un défi de taille, puisqu'il vous faut construire une nouvelle économie basée sur des propositions socialistes. Et que les. J'ai aidé à créer l'État social. Ça, c'est vrai. L'État social. C'est dans mon temps, avec un monsieur qui était le responsable de la santé, c'était Antonio Arnaud, c'est lui qui a eu l'idée de faire donner la santé à tout le monde gratuitement. Le système national de santé. Non, ce n'est plus. L'actuel est presque mort. Alors justement, dernièrement, vous reprenez vos élans de jeunesse de contestation et une profonde indignation se dégage dans vos éditoriaux, dans vos déclarations. Vous êtes indigné par la situation actuelle du Portugal. Mais je suis indigné pour la situation actuelle du Portugal, qui est la destruction de mon pays. Et je suis un patriote, c'est tout. Je suis convaincu que ça va terminer très mal. Parce que ce n'est pas seulement la situation portugaise, c'est tout le pays de l'Europe. Nous sommes sujets peut-être à une guerre. S'il n'y a pas une guerre, à une révolution. Ou les deux choses. Je n'aime pas la violence, mais nous allons tomber dans la violence. Il y a beaucoup de suicides, il y a beaucoup de criminalité dans ce moment, comme jamais a eu. Des gens ne mangent pas, alors ils sont dans une situation terrible. Parce que l'Allemagne a fait cette politique stupide, l'austérité. L'austérité, c'est mettre les pays dans le bord. C'est maintenir la complication, la difficulté entre les pays. Alors, à partir de cela, ils ont détruit au Portugal la plus grande chose que nous avons fait. Ça veut dire, l'État social a disparu, presque. La santé obligatoire pour tout le monde, il n'existe plus. Ils ont détruit les syndicats, difficulté la vie des syndicats au maximum. Ils ont fait tomber les économies. On ne touche pas l'argent, les riches, mais on touche dans les pauvres et dans la classe moyenne qui n'existe plus. Il y a des personnes qui gagnaient, par exemple, 1000 euros, passent à gagner 300 ou 400 ou quelque chose comme ça. À des gens qui ont des fils qui vont aux cachottes de lixo. Dans les poubelles. À poubelles, pour charger de manger. Les pauvres sont énormes partout dans le pays. Ils meurent de faim. Et les meilleurs cerveaux que nous avions partis pour l'étranger. L'immigration. Pour l'immigration. Les autres qui ont resté n'ont pas de travail. Ils ont obligé des milliers de personnes à sortir du pays, à détruire les grandes universités que nous avions, et à faire tout ce qu'ils peuvent pour vendre le pays. Maintenant, c'est l'eau qui commence. Tout est privé. Le président de la République, il parle seulement des marchés. Les marchés. Il y a un gouvernement qui a fait une coalition de deux partis, coalition de deux partis, mais qu'ils sont là parce que si l'un d'eux sort, il tombe. Le gouvernement tombe. Toutes les professions sont contre le gouvernement. Et alors maintenant vont faire une autre police pour être plus dure, pour contenir mieux. Ben, c'est la pide qui entre, nouveau. Vous pensez qu'il y a un véritable retour en arrière alors? Ah oui, complètement. Ils ont détruit tout ce que nous avons fait, l'État social. Alors pour terminer, est-ce que vous avez quand même quelques lueurs d'espoir pour le Portugal et si oui, quelles sont les raisons aujourd'hui d'espérer? Oui, j'ai l'espoir. En deux hommes, d'abord. J'ai grande confiance en Barack Obama. Il est terriblement mis avec les républicains qui ont fait tout pour le détruire, parce qu'ils sont racistes et parce qu'il est de gauche. Mais malgré cela, il a fait le dernier discours, c'est fantastique. Et j'ai l'espoir. Dans le pape, je ne suis pas religieux, je n'ai aucune religion, je crois à ce pape-là. Parce que c'est un pape des pauvres, des personnes, des gens, et non de l'argent. Il est contre l'austérité. Il l'a dit. L'austérité mate. L'austérité tue. Fait mourir. L'austérité tue. Et il dit que ce capitalisme, c'est terrible. Il faut le refaire, le capitalisme terrible. Il a raison. Les marchés doivent entrer dans l'ordre. Voilà pour ce témoignage enregistré il y a quelques semaines à Lisbonne par notre équipe composée d'Elsa Cornevin, de Georges Thau et d'Anne Fleury, donc de Mario Soares, l'ancien Premier ministre et président du Portugal. Un itinéraire de vie, pourrait-on dire. Il a 90 ans, il aura 90 ans à la fin de cette année. Il a évoqué, entre autres, le socialisme qu'il avait voulu mettre en place dans ce Portugal d'après la révolution des œillets et avec le mouvement des forces armées, l'arrivée au pouvoir de ce socialisme. Yves Léonard, qu'est-ce qu'on peut dire justement de ce qu'a été ce moment particulier qui a vu basculer à la fois en un ou deux ans la dictature de Franco, la dictature post-salazariste au Portugal, les colonels en Grèce, puisque c'est la même année en 1974 qu'ils sont renversés également, et de cet espoir, entre guillemets, de ce socialisme d'après les dictatures méditerranéennes ou portugaises. Alors d'abord, première chose, c'est que le Portugal, finalement, initie, est à l'origine de cette vague de démocratisation. Dans la chronologie, c'est important et les Portugais en sont légitimement fiers. Et Mario Soares, qu'on vient d'écouter, aussi, il le rappelle très souvent. C'est au Portugal que le 25 avril au matin, tout a commencé. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Ensuite, pour Mario Soares, le grand enjeu, le défi, il le souligne bien là, dans l'interview, c'est qu'il se trouve en exil. En France, la veille du 25 avril, il est en Allemagne à discuter avec les autorités allemandes, le SPD, Willy Brandt, qui avec lequel il a une relation très forte, où il a fondé le Parti Socialiste, refondé le Parti Socialiste portugais en avril 1973. Donc l'enjeu pour lui, ça va être de pouvoir tracer sa route dans un climat politique où il n'y a pas de logique au départ, que la voie qu'il préconise va s'imposer. La voie socialiste. La voie socialiste puisse s'imposer. Pourquoi ? Parce que d'abord, le mouvement des forces armées qui fait la révolution est un mouvement composite, ouais, très politiquement composite, éclaté entre différentes fractions, où le Parti communiste exerce une influence forte. Le Parti communiste, même s'il était évidemment condamné à la clandestinité, était quand même une force structurée avec quelques figures emblématiques. Álvaro Cunhal, qui était son secrétaire général, était quand même une figure extrêmement forte. Donc Mario Soares dispose de peu de force, de peu de moyens pour imposer sa vision. Donc toute l'action de Mario Soares pendant 18 mois, ça va être d'être d'une grande habileté, d'une part, mais ça, le personnage est habile, et de pouvoir capitaliser autour de son nom les contacts qu'il avait pu nouer dans les années d'exil en Europe, au sein de l'international socialiste. Il va pouvoir mobiliser un peu son carnet d'adresses et, au gré des événements, pouvoir adapter en permanence, avec un sens tactique éprouvé, et s'adapter. Le grand moment pour lui et les socialistes, c'est les premières élections libres qui se déroulent un an après la révolution des œillets, jour pour jour, le 25 avril 1975. Et là, non pas à la surprise générale, mais c'est le Parti Socialiste qui l'emporte très largement, avec 36 ou 37% des suffrages. Et ça, c'est un moment très fort, parce que ça donne une légitimité démocratique. Le Parti Socialiste, Mario Soares, peuvent se prévaloir de résultats tout à fait incroyables, d'une base électorale très forte. Et c'est à partir de ce résultat électoral que Mario Soares va réussir, une fois de plus, à faire évoluer cette transition, ce processus révolutionnaire, très confus. À l'été 1975, ça part dans tous les sens. Le Parti communiste, on lui prête l'intention de prendre le pouvoir. Et Mario Soares va se retirer à ce moment-là du gouvernement pour mieux ensuite reprendre la main au sein du mouvement des forces armées et finalement, au printemps 1976, pouvoir porter sur les fonts baptismaux cette jeune démocratie qu'il appelait de ses voeux, une démocratie à l'occidentale qui incarnait un peu ce qu'il disait à l'époque, le socialisme du possible. Est-ce qu'il y avait des liens entre ces socialistes portugais en exil, ces socialistes espagnols en exil, comme Felipe González, ces socialistes grecs en exil, comme Andreas Papandreou? Est-ce que au sein de cette internationale socialiste, dont on rappellera jamais assez l'importance dans ces années-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça ne veut plus rien dire, mais à une époque, cette internationale socialiste existait véritablement, et vous avez évoqué évidemment le nom de Willy Brandt, mais il y avait également celui de Pierre Mauroy un peu plus tard, etc. Donc au sein de cette internationale, est-ce qu'ils avaient des contacts? Est-ce qu'ils avaient des stratégies de prise de pouvoir d'une certaine façon? Alors, des contacts, oui, parce que ce sont des personnages voilà, qui se fréquentaient, qui se connaissaient. Les liens avec les socialistes espagnols sont très forts. Et c'est à la fois pour les socialistes espagnols une source d'inspiration, mais aussi un modèle dont finalement personne ne va vouloir reprendre à son compte en Espagne pour des raisons qui tiennent à la situation espagnole. Donc il y a des liens personnels très forts. Mais ce qui va surtout compter dans les années 1975-1976, c'est non seulement, bien sûr, l'appui de l'Internationale socialiste à Lisbonne, pendant les deux années du processus révolutionnaire, on voit défiler un certain nombre de leaders socialistes européens qui viennent prendre le pouls, se rendre compte, voir ce qui se passe. Dans les premiers jours qui suivent la révolution, François Mitterrand est à Lisbonne. Il y a là des réseaux qui se sont créés avant, évidemment, le 25 avril et qui vont s'exprimer avec beaucoup d'intensité. Cela pendant des années. Hein, parce que c'est vrai que Willy Brandt, le rôle est tout à fait central, mais dans les années qui suivent, et notamment dans la perspective qui va être le choix très fort de Mario Suárez et de ce socialisme du possible, c'est de dire, bon, l'Empire est mort, l'Outre-mer, et Salazar avait dit, sans l'Empire, le Portugal disparaîtra. Mario Suárez répond non. Non seulement le Portugal va survivre et on va lui trouver un nouvel avenir, de nouveaux horizons. Et ce nouvel horizon, ça sera l'Europe. Mais une Europe qui passe justement par le renforcement des liens, il le dit dans son témoignage, avec les socialistes qui sont très nombreux au pouvoir. Et le lien qui va être évidemment déterminant au début des années 1980, c'est la relation avec François Mitterrand. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire justement de ce moment où les Portugais sont un peu au centre du jeu? C'est-à-dire que vous avez évoqué brièvement, Yves Léonard, ce moment où, en fait, fièrement, les Portugais se disent qu'ils sont à l'origine de quelque chose. Vous avez évoqué, et Luis Miguel Sintra l'a évoqué lundi à propos du théâtre, en particulier le moment où tout le monde se presse à Lisbonne, à Porto, à Coimbra ou ailleurs pour pouvoir voir ce qu'est cette révolution portugaise, comprendre comment elle fonctionne dans ces tensions, ces oppositions. Ça fait quoi justement au Portugal de se retrouver au centre du jeu alors qu'elle était relativement marginalisée sous la dernière période avant la chute de la dictature? C'est un grand moment de fierté. Parce que dans les années 60, les années du salazarisme finissant, le Portugal se retrouve placé un peu au banc des nations, sur la question notamment des guerres coloniales, et se retrouve, c'est un pays condamné à l'immigration massive, donc de la pauvreté, pour fuir aussi la conscription, pour toutes les difficultés économiques. Donc on ne parle du Portugal en général que de manière négative. Et au matin du 25 avril, on voit, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Quelques mois auparavant, il y a eu le Chili. Et pour les gauches en Europe, ce qui se passe évidemment à Lisbonne est un moment d'une intensité totale, très surprenant, parce que, a posteriori, c'est toujours facile de réécrire les événements, mais peu avaient prévu et anticipé cet événement. Mais oui, puis surtout, une prise de pouvoir par des militaires qui ne veulent pas, au bout du compte, garder le pouvoir et qui veulent le transmettre aux civils. C'est souvent ce que disent les militaires dans les coups d'État de ces années-là et c'est rarement le cas, au bout du compte. C'est ça qui fait la singularité. Les militaires disent, au soir même du 25 avril, il y a une junte de salut national, voilà, on va organiser des élections, on va redonner le pouvoir aux civils, rétablir les libertés publiques. C'est très singulier quand même dans l'histoire européenne et l'histoire mondiale au XXe siècle que des militaires s'empare du pouvoir, fasse un coup d'État, parce que c'est un coup d'État, et pour dire on va rétablir la démocratie. Donc là, il y a un moment pour les gauches européennes, ça va être un laboratoire extraordinaire. Et tout le monde va défiler à Lisbonne à ce moment-là, parce que le contexte s'y prête, parce qu'il y a eu le Chili quelques mois avant, et parce que, et ça va aussi quelquefois interpeller et pénaliser peut-être les Portugais, vouloir leur donner des conseils finalement. Comment procéder, comment cette faire. Cette démocratie, il faut bien faire quelque chose pour elle. La guider. Et donc les Portugais vont voir, alors grande surprise, mais c'est un moment de grande fierté parce que tous les projecteurs de l'actualité internationale sont braqués sur le Portugal. Alors, c'est très intéressant ce que vous nous racontez, Yves Léonard, d'autant que la période précédente était une période où on avait fait grandir presque artificiellement les ambitions portugaises sous Salazar, expliquant que c'était un empire mondial, que le monde entier, l'Atlantique en particulier, était une mer intérieure quasiment du Portugal, ce qui ne correspondait pas à la réalité, et que là, d'un seul coup, Alors que les ambitions justement coloniales vont petit à petit diminuer et cesser, eh bien, le Portugal devient une puissance intéressante, du moins un pays intéressant pour le reste du monde. Donc une sorte de chiasme ou de contradiction entre les deux positions, la position de la dictature finissante et la position de cette démocratie retrouvée. Oui, alors effectivement, il y a une rupture forte, enfin une opposition assez prononcée. Avec quand même quelques modérations, puisque le Portugal, dans l'après-Seconde Guerre mondiale, s'est ancré dans le paysage atlantique. Mmh. Il faut le rappeler, le Portugal, en 1949, devient membre fondateur de l'OTAN, du traité de l'OTAN. Il est signataire en avril 1949. Donc ça n'est pas neutre, parce que cette dimension atlantique et occidentale, finalement, elle est déjà présente. Dans les années 1960, une partie des milieux d'affaires commence à prendre la mesure de l'attraction européenne, on va dire. Et un traité commercial sera d'ailleurs signé en 1972, 2 ans avant la chute de la dictature. Mais c'est vrai que cette question de la révolution des œillets, elle est importante dans l'histoire longue du Portugal, parce que qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là ? En gros, depuis le XVe siècle, pour faire vite, le Portugal s'était projeté, avait construit son destin dans une projection atlantique et maritime. Et l'outre-mer. L'outre-mer. Et avec la révolution des œillets, c'est cette forme de rétraction continentale qui s'impose à lui, avec un nouveau destin à l'intérieur de son rectangle européen des origines. Quand le royaume du Portugal est né au XIIe, XIIIe siècle, on était sur ce rectangle européen. Et on revient à cette configuration. Donc, tout le défi qui est posé à cette jeune démocratie, et Mário Soares en prend toute la mesure, c'est de donner un nouvel élan, de donner de nouveaux horizons, ça sera l'Europe, tout en maintenant un lien privilégié avec cette ancienne outre-mer. Oui, parce que le mythe atlantique était un mythe très fort qui, bon an mal an, avait fini par pénétrer les esprits des élites, même celles qui étaient opposées au salazarisme. Au bout du compte, il y avait ce mythe de l'outre-mer qui était assez, assez fort. Et si on n'adhérait pas, on n'était pas forcément très hostile à cette idée que le Portugal était beaucoup plus grand que ses simples frontières européennes. C'est vrai que ce thème, ce mythe du Portugal plus grand, parce que à la tête d'un vaste empire colonial, a largement fédéré les élites. Ce fut le cas sous la monarchie, à la fin de la monarchie. Et d'ailleurs, la monarchie constitutionnelle a très largement échoué et est chutée sur cette question de l'outre-mer. Ce fut le cas sous la République. La République a essayé d'incarner ce rêve d'outre-mer, d'inscrire ses pas dans cette grande geste multiséculaire. Et Salazar, bien évidemment, l'a consacré dans les années 1930 avec une propagande tout à fait étonnante pour dire, et une carte d'ailleurs le figurait, le Portugal n'est pas un petit pays. On voyait la carte d'Europe avec en superposition en rouge l'Angola, le Mozambique, etc. pour dire, mais voilà, on n'est pas un petit pays parce qu'on est à la tête d'un empire pluricontinental, multiséculaire. Et toute la propagande de Salazar dans les années 50 et surtout dans les années 60 face au mouvement décolonisation, c'est de dire une fiction. Le Portugal est un et indivisible, pluricontinental, aussi portugais du Minho jusqu'à Timor. Multiracial. Et multiracial avec le lusotropicalisme. Une fiction, là encore, construite et instrumentalisée par le régime salazariste pour dire on est à nul autre pareil. Donc venez pas nous expliquer qu'on doit faire cette décolonisation. C'est donc très difficile, j'imagine, quand on prend le pouvoir dans ces années 64. 1476, justement, de rompre avec ces années pendant lesquelles on a flatté l'ego des Portugais en leur disant vous êtes beaucoup plus important, même si vous êtes pauvre, votre pays est beaucoup plus riche qu'on ne le croit généralement. Alors, c'est vrai que c'est un défi. Il faut avoir en tête que les guerres coloniales aussi ont profondément marqué la société portugaise dans les années 1960. Évidemment. Et les jeunes capitaines qui font le coup d'État du 25 avril sont totalement imprégnés de cela et cette espèce de pacte à la fois de l'anonymat et du passif de la non-violence qui les anime, il est tout entier imprégné de ce qui s'est passé outre-mer. De l'expérience guerrière. On ne tuera plus, disent-ils. Et c'est pour ça que cette révolution est singulière, parce qu'elle est pacifique. Il ne faut surtout pas qu'il y ait des fusions de sang. Donc, les esprits ont été préparés, ont bien compris cette fiction, effectivement. Mais le grand talent de ceux qui vont porter la transition, et Mário Soares en tête, c'est très vite de trouver un élan collectif qui va se faire L'Europe est avec nous, dit la campagne des élections en 1976. L'Europe est avec nous et c'est par l'Europe que le Portugal pourra retrouver un élan collectif. Alors cet après-midi, dans les émissions sur les docks, donc qui complètent, puisque c'est une opération de France Culture, les émissions de France Culture et de la Fabrique de l'Histoire du matin, il y aura un documentaire qui s'appelle, alors je dis en français parce que je ne suis pas capable de le dire en portugais, 25 avril. Toujours, donc, qui est un des slogans aujourd'hui des Portugais qui manifestent en particulier contre l'austérité, contre la Troïka, etc. Ça veut dire que ce souvenir-là, 40 ans plus tard, même si on a bien compris que cette mémoire n'était pas travaillée, qu'elle n'était pas devenue une mémoire très vive dans la société portugaise aujourd'hui, ce souvenir du 25 avril est très important. Oui, il est très important. Longtemps, il a été un peu, comme je dis, un souvenir écran. C'est-à-dire qu'il a occulté, c'était bon, quelque chose qui était commémoré, mais ça jouait un peu le rôle d'écran. Avec la crise, avec les difficultés qui se sont aggravées ces dernières années, il y a aujourd'hui une reviviscence du thème du 25 avril par des tas de symboles. La chanson du 25 avril, Grendula, est de nouveau entonnée dans les manifestations qui se déroulent au Portugal. Il y a cette présence aujourd'hui très active et non plus symbolique des œillets. Donc il y a la résurgence d'un certain nombre de thèmes. Le 25 avril, il garde une actualité formidable dans ce pays. Parce que, justement, c'est cette lutte intemporelle contre les injustices et contre les inégalités. Et la mémoire des capitaines d'avril, aujourd'hui, retrouve une actualité parce que c'était des hommes empreints d'idéalisme. Ce sont des hommes qui ont fait l'impensable, l'irréalisable. Et ils l'ont fait au nom d'idéaux, avec une grande sincérité, une grande naïveté. Et je crois que ce sont des thèmes, aujourd'hui, qui retrouvent une grande actualité. On pourra l'écouter ce soir dans le documentaire d'Elsa Cornevin et d'Anne Fleury, donc dans Sur les docks à partir de 17h, qui parle du Portugal aujourd'hui. Si on veut en savoir plus sur cette histoire du Portugal, on peut bien entendu donc lire le numéro des collections de l'histoire Portugal, l'Empire oublié, auquel vous avez largement contribué, Yves Léonard. Puis on attendra avec impatience donc la rentrée prochaine pour lire votre histoire du Portugal au XXe siècle. Merci d'avoir conclu avec nous cette série d'émissions sur l'histoire du Portugal au XXe siècle. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marseille. Tristan Gratalon était à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Et remercions Georges Thau qui était à l'enregistrement au Portugal. Et c'est lui également qui a filmé en partie, et vous pouvez le retrouver sur notre site à la page du jour, une partie de l'entretien donc, de Mario Soares que vous retrouvez sur la page de la Fabrique de ce jeudi.